Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La voiture autonome, c'est un rêve pour les conducteurs fatigués, un rêve pour demain ou peut-être d'ailleurs pour après-demain, puisqu'une automobile soi-disant intelligente a tué une femme en mars dernier. La collision a été frontale, comme le montrent les traces d'impact sur le pare-choc avant. La voiture autonome circulait à environ 65 km/h quand elle a percuté une femme qui traversait à pied, en dehors des clous, en poussant son vélo. La voiture est une Volvo. C'est un véhicule autonome. Il était d'ailleurs en mode autonome au moment de l'accident. Et il y avait un opérateur derrière le volant à ce moment-là. La victime est une femme de 49 ans. Elle est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital. Après l'accident, Uber a annoncé suspendre son programme. Jérôme Wabian, vous dirigez une société qui s'appelle Spirops. Ça fait des années que vous travaillez notamment sur la voiture autonome en intelligence artificielle. Vous faites de la recherche-développement. Votre point de vue sur ce qui s'est déroulé aux États-Unis avec ce véhicule Uber, donc comme on vient de l'entendre, c'est une Volvo, mais c'est une Volvo avec un certain nombre de choses en plus qui ont été développées par Uber. Oui, bonjour. C'est bien de préciser ça parce que c'est quand même important de pouvoir décrire exactement ce qu'on appelle un véhicule autonome et comment il se construit. Nous, on participe au développement des véhicules autonomes de PSA. Donc moi, je suis quotidiennement à l'intérieur de ce genre de véhicule. J'ai donc un regard un petit peu différent de ce que pourrait annoncer la police ou autre qui prétend que finalement cet accident était inévitable et qu'un véhicule n'aurait rien pu faire. Bon, déjà, on parle de Volvo, mais il faut bien comprendre que comment on crée un véhicule autonome. On prend un véhicule du commerce, qui est fonctionnel, etc., hein, qui a été certifié, et on va ce qu'on appelle le robotiser. Donc le robotiser, ça veut dire faire qu'à travers des signaux électriques, électroniques, on va réussir à conduire la voiture, tourner le volant, l'accélérateur, freiner, etc. Puis on va ajouter toute une série de capteurs, qui vont permettre à la voiture de voir beaucoup mieux son environnement qu'elle ne le voyait au départ. Et puis, c'est là où il y a peut-être eu un problème du côté de Uber, c'est qu'on va donc désactiver les assistances qui sont certifiées, qui sont directement dans le véhicule. Donc, par exemple, le freinage automatique, le freinage d'urgence, ou alors la régulation de vitesse, c'est-à-dire on a mis son régulateur et d'un seul coup, la voiture devant nous commence à ralentir, on va adapter notre vitesse au véhicule qui est devant nous. Ça, ça perturbe en fait l'automatisation du véhicule. Mmh. Parce que quand on la rend autonome, on décide de prendre le contrôle total du véhicule. Donc, ces fonctions-là sont désactivées. Mais par contre, il faut bien comprendre que le véhicule, il reste totalement conduisible par un humain. Et ça sera toujours le conducteur qui sera le maître à bord. À aucun moment, l'intelligence artificielle, si elle décidait de tourner à gauche, si le conducteur prend le volant et décide d'aller tout droit ou tourner à droite, c'est lui qui aura la priorité. Alors ça, c'est quand même très important. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le C'est-à-dire dos. Que c'est l'humain qui domine la voiture. Mais voilà. A priori, ce véhicule développé par Uber, il avait la possibilité, j'imagine, de conduire une personne jusqu'à sa destination en tournant là où il fallait tourner, en modulant sa vitesse en fonction de la vitesse automatique. Autorisé, non ? Oui. Donc, c'est un véhicule, à cet égard, autonome, même si la surveillance de l'humain reste possible. Je dis possible parce que là, apparemment, la surveillance de l'humain, évidemment, elle n'a pas suffi pour éviter l'accident. Mais voilà, c'est-à-dire que moi, en quoi je considère que c'est un super fail, c'est pas à cause de la technologie, des capteurs, etc., qui voient extrêmement bien. Faut voir que ce qui est installé sur la Uber, ce sont des capteurs extrêmement chers. La couscoussière, l'espèce de pot de yaourt là, qui est posée sur le haut de la voiture. Ouais, parce qu'il faut dire effectivement qu'on a un truc qui ressemble un peu à la voiture de SOS Fantôme sur le toit. Voilà. Et ça, c'est un capteur qui, à lui seul, coûte 4-5 fois le prix de ma voiture. Ah, d'accord. Voilà, donc, pour rappeler un peu ce qui s'est passé, donc, on a une voiture qui circule sur une 2x2 voies. On a manifestement une dame. Elle semblait être au bord de la route avec son vélo et elle a traversé la voie. Et la voiture, apparemment, a pas freiné, Jérôme. Alors, oui, c'est ce que l'on peut voir dans la vidéo. C'est qu'on est dans un cas, ce qu'on appelle nominal. On a une personne en plein milieu de la route. Par rapport à la vitesse du véhicule, elle est quasiment immobile, puisque elle est à pied. Et donc, il y a un obstacle en plein milieu de la voie, et le véhicule ne freine pas. Il faut bien voir que si le véhicule n'avait pas été automatisé, le véhicule de Volvo de série, il aurait freiné de manière en urgence. Il aurait fait un freinage d'urgence. Alors ça, justement, c'est étonnant, parce que donc la première chose à laquelle on a songé, notamment moi qui n'y connais rien, je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, la nuit... ces véhicules, ils voient pas plus que les humains. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est complètement faux. Là, il y a vraiment, quand on voit ce capteur, hein, et quand on voit qu'on voit ce qu'il est capable de voir, je pense que la piste de la défaillance du capteur, elle est à écarter. C'est-à-dire que, et surtout, il n'y a pas qu'un capteur, il y en a plusieurs. Donc normalement, ces capteurs, ils fonctionnent comment ? En gros, il y a trois types. Il y a, on va dire, quelque chose qui est de type optique, qui est d'une caméra, qui regarde un peu comme les yeux d'un humain, et qui là, de nuit, n'a pu voir le vélo que dans les derniers mètres, mais de toute manière, même dans les derniers mètres, le véhicule ne freinant pas, ça ne change rien, parce que faut voir que certaines personnes ont calculé combien il aurait fallu de temps pour s'arrêter. De toute manière, la distance de freinage n'était pas suffisante, mais ça n'a pas de sens. Même si la voiture n'avait baissé que de 5 km/h, peut-être que cette personne-là ne serait pas morte. Donc c'est ça qu'il faut. Ouais, en fait, l'important c'est de voir s'il y a eu freinage. Ensuite, qu'il y ait des lois de la physique, ça, on en est bien conscient. Oui. Mais c'est absolument pas comme au départ il avait été suggéré, quelqu'un qui s'était jeté sous les roues du véhicule. Donc c'est quelque chose qui normalement aurait dû absolument être évité. Il y a rien n'explique du point de vue des capteurs, etc. Alors, vous avez dit qu'il y avait trois capteurs. Alors il y a trois capteurs. Il y a la caméra, il y a ce qu'on appelle un radar. Donc le radar, c'est comme on voit à la télé un petit point là, quelque chose qui tourne et on voit un petit point. Alors c'est beaucoup plus rapide, mais en gros on a un impact et on a autre chose qui s'appelle un lidar qui lui voit des millions de points tout autour du véhicule, la distance de tous les points autour de nous. Donc quand on regarde les données que donne cet appareil, on voit parfaitement chaque petite partie d'un véhicule. Quand on voit quelqu'un qui marche, on va pouvoir voir ses bras, ses jambes, etc. parce qu'il va être découpé sous forme de petites tranches. Là c'est impossible que le capteur n'ait pas vu bien avant l'impact le vélo. Est-ce qu'il peut, par exemple, ne pas voir que c'est un humain ? Alors vous allez me dire que même si c'est un tronc d'arbre au milieu de la route... Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problématiques d'identification, c'est-à-dire est-ce que c'était un humain, mais de toute manière, il y a un obstacle en plein milieu de la voie, on pile. Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas... Donc ce n'est pas le capteur, je pense, qui est en cause. Il y a plusieurs choses. Hein. De mon point de vue, il y a l'équipe qui a réellement un souci, hein, de ceux qui ont conçu l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire prendre tous les capteurs et en faire quelque chose de cohérent, essayer de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est une première erreur. Est-ce qu'il peut y avoir un bug ? Sur mon ordinateur, il y a souvent des bugs. Est-ce que là, malheureusement, il y a un bug ? Le fait que lorsque le capteur voit la femme, eh bien, malheureusement, l'ordre de freiner n'est pas transmis à la voiture ou... Oui, en fait, on est dans un prototype, un véhicule qui n'est pas homologué. Donc, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des bugs. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir un conducteur professionnel au volant, voire deux. Bon, il faut bien voir que moi, je travaille sur un véhicule autonome, j'ai jamais pu conduire la voiture. Là, pour l'instant, la voiture... Ça veut dire quoi, j'ai jamais pu ? Eh bien, je vous explique. Il faut un conducteur, un pilote d'essai, qui a un permis particulier, qui soit au volant. Là, pour l'instant, la seule personne extérieure à l'équipe qui ait pu conduire la voiture jusqu'à présent, c'est Sébastien Loeb, qui est 9 fois champion du monde de rallye. Expliquez-moi pourquoi il faut un champion du monde de rallye. Parce qu'on considère que c'est extrêmement risqué. On est au milieu d'autres véhicules, on est au milieu de potentiellement de passants. Il ne faut pas donner ça à n'importe qui gomme dans le film et est en train de regarder son téléphone pendant que la voiture conduit. Pour aller encore... Sauf que, je vais vous embêter, parce que moi j'ai conduit une voiture autonome, qui est une voiture de série, j'ai loué. Alors il se trouve que je suis tombé sur une Mercedes, qui était une classe E, et alors, elle avait la possibilité de conduire de manière autonome sur une 2x2 voies. C'était la circonstance où cette femme est morte. Mmh. Donc ça veut dire que moi qui suis vraiment pas pilote d'essai, je peux conduire une voiture autonome. Et apparemment, une 2x2 voies, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, j'ai pas dit que ces véhicules étaient réservés aux pilotes d'essai. J'ai dit que quand c'est un prototype et qu'il n'est pas homologué et qu'il peut y avoir des bugs... Là, dans ces conditions-là, il est nécessaire d'avoir un professionnel qui conduit. Même à la place passager, il faut un technicien ayant lui aussi un permis particulier. Et donc, il y a constamment deux humains qui contrôlent tout ce qui se passe autour de la voiture, et à n'importe quel moment, le pilote d'essai peut reprendre le contrôle, et ça ne peut pas arriver, cette situation. Là, il y a une défaillance de Uber en termes d'organisation. On n'a pas à mettre une seule personne dans sa voiture qui, en plus, de surcroît, regarde son téléphone pendant qu'elle conduit. Je peux voir cette voiture, la voiture que vous êtes en train de développer pour PSA, oui. je peux la voir circuler dans Paris ? Alors non, parce que tout comme certaines voitures de Renault, c'est une voiture qui est réservée à la haute vitesse, qui est fait pour rouler sur les autoroutes ou les nationales. Bon, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui on arrive à peu près à avoir des voitures autonomes sur des conditions de circulation type autoroute, alors qu'en revanche on est loin du compte pour des circulations de type urbain ? Bon, la condition urbaine, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, ça dépend complètement des pays. Conduire en urbain dans en banlieue de San Francisco, ça n'a rien à voir au fait de traverser l'étoile à Paris. Enfin, les routes ne sont pas pareilles. Les feux sont disposés aux États-Unis de manière régulière. On comprend tout à fait quel feu correspond à quelle voie à Paris ou autre. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Mais je peux pas. C'est effectivement la place de l'étoile. Place de l'étoile, une voiture autonome, aujourd'hui, c'est possible ou pas ? Alors moi je connais pas l'état d'avancement de toutes les équipes, mais oui, ça sera un jour possible. Mais aujourd'hui ? Aujourd'hui, la nôtre, nous, la mienne personnellement, non, puisqu'elle ne fait que de la haute vitesse. Il faut bien voir que normalement il y a des catégories différentes. On va avoir des véhicules basse vitesse qui vont pouvoir dès aujourd'hui circuler sans conducteur. Il y a deux entreprises françaises, Navia et Easymile, qui font des petits bus autonomes. Mais bon, ils sont limités 9 km/h, 20 km/h. Donc ça, c'est autorisé. Par exemple, aux États-Unis, visiblement, cette pratique d'avoir deux conducteurs dans le véhicule, c'est généralisé. Il y a Google qui fait une exception. Mais Google, il faut bien voir que la Google Car, elle ne dépasse jamais les 40 km/h. Donc ça n'a rien à voir, hein, 70 km/h, 40 km/h. Là, il y a Uber qui fait un peu n'importe quoi, de mon point de vue, hein, à donner la responsabilité à des conducteur visiblement pas si professionnel que ça, un engin qui est pas du tout au point. George Brown avait 40 ans, c'était un passionné, toujours fier de sa Tesla électrique et de son système de pilotage automatique. Il en faisait d'ailleurs régulièrement l'éloge sur Internet. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire de mes mains maintenant. Vous n'avez plus aucun stress, plus besoin de se soucier de quoi que ce soit sur la route. Vous laissez faire. Mais un mois plus tard, Josh Brown va mourir sur cette route au volant de sa Tesla. Le système de pilotage automatique est pourtant activé. Mais il n'a semble-t-il pas détecté la remorque de ce poids lourd qui coupe la route devant lui pour tourner à gauche. La Tesla, parce qu'il faut aussi être juste, Uber n'est pas la seule entreprise à avoir eu des soucis, c'est un euphémisme, avec ses voitures autonomes. Tesla a déjà été accusée d'avoir eu des accidents, notamment un accident mortel. Alors je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est, vous allez peut-être nous le dire, Jérôme, en matière d'enquête, mais là aussi, on a incriminé la technologie de Tesla, qui est pourtant, semble-t-il, assez aboutie, une voiture qui n'a pas freiné alors qu'elle aurait dû s'arrêter. Alors bon, alors le cas de Tesla est un petit peu compliqué. Déjà, c'est une voiture relativement ancienne qui n'avait pas tant de capteurs que ça. Hein. Ça n'avait rien à voir. Au contraire, c'était plutôt une voiture qui était autonome avec des moyens très minimalistes. En plus, finalement, la faute de Tesla, c'est plus d'avoir communiqué sur le fait que la voiture serait capable de faire peut-être un peu plus. Enfin, ils l'ont pas dit explicitement, mais rien que dans le titre, ça s'appelait autopilot, etc. Ça pouvait donner l'impression à un acheteur, enfin à un client, qu'elle était autonome. Mais sur le papier, elle n'était pas censée pouvoir forcément gérer le cas où avec le camion qui a croisé la route. Donc là, c'est une faute de l'utilisateur. Si quelqu'un fait n'importe quoi avec un véhicule, on peut pas forcément reprocher à la technologie. La voiture n'était pas censée être en autonome comme ça. Je crois que la personne était en train de regarder un film alors que le camion a traversé la route, alors qu'il était censé constamment regarder la route et reprendre la main en cas de défaillance. C'est-à-dire que la Tesla n'a pas de garantie. Elle peut défaillir à n'importe quel moment. Contrairement aux autres véhicules plus évolués, comme celui sur lequel on travaille, où on est censé pouvoir quasiment dormir dans le véhicule et que le véhicule fasse tout seul. Donc c'est véritablement un véhicule autonome. Oui, parce que véhicule autonome, en fait, c'est utilisé à plein de sauces. En fait, il y a des niveaux, 1, 2, 3, 4, voire 5, je ne me souviens plus. Voilà. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Alors, prenons les voitures uniquement en conduite rapide, puisqu'on voit bien que pour la conduite urbaine, il y a un certain nombre de difficultés. On ne comprend pas si une voiture veut tourner à droite, à gauche. Quand on voit un visage, nous, on est capable d'interpréter ce qui veut dire. La voiture, elle a du mal à l'interpréter aussi. Lorsqu'on est en conduite rapide, Jérôme Wabant, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous empêche, vous constructeur ou développeur, qu'est-ce qui vous empêche de faire circuler des voitures complètement autonomes sur autoroute, c'est-à-dire des voitures dans lesquelles je peux dormir? Alors, pour l'instant, rien ne l'empêche. On est en train de le développer. C'est qu'une histoire d'années. Hein. Je veux dire, quels sont les obstacles technologiques ou qu'est-ce qui reste problématique dans ces voitures? Bon, c'est un petit peu compliqué. Pour les véhicules tels Uber, etc., ils peuvent se permettre d'avoir des capteurs extrêmement en chair, comme la couscoussière, là, ça s'appelle un LIDAR. Là, on peut imaginer avoir des captations parfaites. Et finalement, c'est ça le nerf de la guerre. C'est vraiment tout voir autour de nous. Après, la décision, c'est pas vraiment le point le plus crucial. Pour les véhicules standards, comme ceux que nous, on pourrait acheter, il faut réussir à trouver une alchimie de capteurs pas si chers que ça, mais qui soient tout aussi sûrs. Donc, l'idée, c'est de faire différents tests, d'essayer différents capteurs, d'en mettre plusieurs, évidemment, hein, avec de la redondance, avec des technologies différentes, et puis, petit à petit, s'assurer que c'est sûr. Donc, le temps qui va être le plus long, c'est de montrer que ça marche bien, qu'on peut aller dedans, qu'il n'y a pas de problème, qu'on ne va pas écraser des piétons dès qu'on ne fait pas attention. Donc, c'est cette partie, cette étape que Uber a peut-être un peu grillée. Est-ce qu'aujourd'hui, un véhicule autonome tel que vous le concevez ou tel qu'on pourrait le concevoir, Jérôme Wabban, dans la circulation sur autoroute, il y a un problème, par exemple, la question des carambolages. Un carambolage, ça se produit parce qu'une voiture qui n'est pas celle qui vous précède immédiatement, mais à 100 mètres, par exemple, de cette voiture, va piler et ensuite personne ne s'arrête. Est-ce que vous avez aujourd'hui la faculté de concevoir une voiture qui puisse voir qu'un carambolage est en train de se produire à quelques dizaines, centaines de mètres de la voiture que vous conduisez? Oui. La réponse est oui. A priori, c'est pas des cas d'usage sur lesquels j'ai travaillé pour l'instant, mais rien n'empêche que ça soit géré pour l'instant. Comment vous faites? En fait, le champ de vision est relativement long. Hein. L'attention est tout le temps à son maximum, parce qu'il faut bien comprendre que c'est ça. Hein. Nous, on ne fait pas des IA d'Alain Prost, hein. On fait des intelligences artificielles qui sont censées remplacer un conducteur lambda. Et finalement, un conducteur lambda, tant qu'il n'est pas en état d'ivresse et qu'il est concentré, il a relativement peu d'accidents. Mais à un moment, il est distrait, il regarde un peu son téléphone, il est un peu fatigué. C'est ça qui crée les accidents la majorité du temps. Donc, quand la voiture est constamment en train de vérifier ce qui se passe dans l'environnement, elle va très bien voir que les véhicules de devant freinent de manière anormale et très brusque et va enclencher une réaction adéquate de manière à éviter le carambolage. Ce qui signifie que le véhicule a une vision, parce que ce que l'on comprend mal, c'est qu'en fait, il faut que la voiture voie au-dessus. Alors, pas nécessairement, parce que dans le cas du carambolage, il y a quand même une certaine distance de sécurité avec le véhicule de devant. Le principe du véhicule autonome, c'est pas d'être capable de réagir à n'importe quelle situation. Et à la dernière minute, on voit quelqu'un arriver, paf, on freine et on a un accident. C'est d'être capable de conduire de manière sûre pendant tout le processus et ne pas entrer dans des situations qui générerait un accident. Donc le but, c'est d'être à l'avance, de pas se mettre en situation dangereuse. Dernière chose, Jérôme Wabban, on n'arrête pas de dire que l'une des possibilités à moyenne échéance, justement, vous allez nous le dire, sont les trains de camions, c'est-à-dire la possibilité donc de faire en sorte que des camions se suivent avec donc un certain nombre de dispositifs qui leur permettraient d'être solidaires. Je parle évidemment d'une solidarité électronique. On va pas les arrimer les uns aux autres. Est-ce que ça, par exemple, ça vous paraît possible? Ça, c'est déjà justement Volvo fait ça. C'est déjà opérationnel parce que finalement, c'est un peu comme un train. On a des petits camions qui sont à la queue leu-leu et finalement, la personne qui prend la décision, c'est le premier véhicule qui, lui, est conduit par un humain. Donc là, on est dans quelque chose de très différent. On n'est pas vraiment dans, moi, ce que j'appelle de l'autonomie, parce que les véhicules ne sont pas libres de leur mouvement. Par contre, il y a un truc que moi, je voulais dire, c'est il y a Uber, hein, qui là est responsable, je pense, de négligence à n'utiliser qu'un seul conducteur, etc. Et après, je trouve qu'il y a eu un autre échelon où là, ça n'a pas fonctionné, c'est l'échelon de l'État. C'est-à-dire que l'État n'aurait jamais dû autoriser Uber à conduire avec un seul conducteur. Ça paraît impensable. C'est une des véhicules qui sont au milieu de la circulation. Il peut y avoir des piétons partout, etc. On ne fait pas comme ça à la légère foncer des véhicules qui en plus ne fonctionnent pas là, visiblement. Merci beaucoup Jérôme Moabian. Je rappelle que vous dirigez Spirops, qui est donc une entreprise spécialisée en recherche et développement. Et vous développez notamment des processus pour rendre les voitures autonomes. Superfail a été foiré par Anaïs Isobaer, piétiné par Nasser Moussaoui et gâché par Alex Fougeron. Superfail.